écoute-moi. D'abord tu étais si petite, mon bébé. Et puis elle est partie si vite, mon bébé. Alors comment te l'expliquer? Et puis tu sais, le monde est si plein de mystères, mon enfant, que même les grands sur cette terre, même les grands, oui, ne comprennent pas souvent. Mais crois-moi, nous resterons toujours ensemble, toi et moi. Oui, crois-moi, même si j'ai la voix qui tremble, c'est le froid, le froid. Peut-être bien, si nous y croyons fort, sans doute, peut-être bien, qu'un jour au détour de la route du chemin, peut-être on la retrouvera.